Il est arrivé hier à l'adresse de M. Rudolf Kesselbach une lettre que j'ai interceptée. Interceptée, vous allez bien, que j'ai ouverte et que j'ai gardée pour moi. La voici. Elle date de 2 mois. Elle est timbrée du cap et contient ces mots. « Mon bon Rudolf, je serai le 1er juin à Paris et toujours aussi misérable que quand vous m'avez secouru. Mais j'espère beaucoup dans cette affaire de Pierre le Duc que je vous ai indiquée. Quelle étrange histoire. L'avez-vous retrouvé, lui ? Où en sommes-nous ? J'ai hâte de le savoir. » Signé, votre fidèle Steinweg. Le 1er juin, continua M. Lenormand, c'est aujourd'hui. J'ai chargé un de mes inspecteurs de me dénicher ce nommé Steinweg. Je ne doute pas de la réussite. Moi non plus, je n'en doute pas, s'écria Valenglay en se levant. Et je vous fais toutes mes excuses, mon cher Lenormand, et mon humble confession. J'étais sur le point de vous lâcher, mais en plein. Demain, j'attendais le préfet de police et M. Weber. Je le savais, monsieur le président. Pas possible. Sans quoi me serais-je dérangé? Aujourd'hui, vous voyez mon plan de bataille. D'un côté, je tends des pièges où l'assassin finira par se prendre. Pierre le Duc ou Steinweg me le livreront. De l'autre côté, je rôde autour de Lupin. 2 de ses agents sont à ma solde et il les croit ses plus dévoués collaborateurs. En outre, il travaille pour moi, puisqu'il poursuit comme moi l'auteur du triple assassinat. Seulement, il s'imagine me rouler et c'est moi qui le roule. Donc, je réussirai, mais à une condition. Laquelle? C'est que j'ai les coudées franches et que je puisse agir selon les nécessités du moment, sans me soucier du public qui s'impatiente et de mes chefs qui intriguent contre moi. C'est convenu. En ce cas, monsieur le président, d'ici quelques jours, je serai vainqueur ou je serai mort.